Chapitre 33. Le commissionnaire partit. Je le vis croiser dans la baie. Je riais. « Non, mon ami, j'ai encore une masse de choses à faire dans l'île. Aujourd'hui, c'est mercredi, et Amoric le Borgne est de service. » Dans le silence profond de la nuit, résonnait seul un pas étouffé. La mer déferlait, mais je ne l'entendais plus. C'était mon pas. Je frappai à une fenêtre. « C'est moi, Yvonne, me voilà de retour. Oui, nous avons été drossés par la tempête. » Je baisai la gorge tiède d'Yvonne. Elle y appuya ma tête et ma bouche s'y abîma. Puis elle me raconta à mi-voix qu'elle avait craint pour moi durant ces jours. Au-dessus de nous tournait le moulin étincelant et des reflets égarés tournoyaient en scintillant sur le sol noir. Pour nous, nous étions dans une complète obscurité. Quelque chose tomba. Qu'est-ce que c'est? Le son était si mou, il pleuvait des bruits mous, des volettements. Ce sont les oiseaux. Ah oui! C'étaient les oiseaux qui venaient du nord et qui se jetaient contre la lumière du phare. Yvonne ? Malgré l'obscurité, je vis les fossettes dans les joues d'Yvonne. Elle souriait. « Tu sais ce que tu m'as promis ?»« Je le sais. Et tu vas sortir aujourd'hui. » Yvonne prit ma main entre ses mains brûlantes. Elle tremblait. « Pas aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Pas aujourd'hui. Demain, après-demain. » Alors quelque chose de mou tomba sur mon épaule. Un oiseau. Je sursautai d'effroi et j'embrassai Yvonne, amant faire mal aux lèvres. « Je pense à toi, Yvonne, » murmurai-je, « quand je suis en mer. C'est à toi que je pense. Je ne peux pas t'oublier. Viens, Yvonne. » Yvonne secoua la tête. « Après-demain. » Le sang bourdonnait dans ma tête. « Et après-demain, » dis-je à haute voix. « Pour l'amour de Dieu, ne parle pas si haut. » Je m'agrippai à l'appui de la fenêtre et me hissai. Yvonne recula. J'étais dans la chambre obscure. « Jésus !» murmura Yvonne. « Puisque tu ne sors pas, » dis-je, et je l'attirai contre moi. Yvonne frémit de tout son corps et me baisa la joue. Je partis, j'allai par la lande, j'ôtai ma casquette pour rafraîchir ma tête brûlante. « Oui, Yvonne, » dis-je, « combien de temps encore voulais-tu me faire attendre? Combien de temps? Ah ah !» Dans la lande surgirent des groupes de tentes blanches. C'étaient les pignons blêmes des masures, dans le reflet du feu de créoche. Au milieu d'elles se dressait une haute tente pointue, l'église. Je pris le long de la mer pour rentrer chez moi. La mer fumait, elle était calme, et la vague clapotait contre les rochers. Toc, toc, toc. Je sifflotais machinalement. Les coups de lumière de créoche chassaient devant eux les pans de brouillard conique. Quand je fus près de la gorge de Poupon, mon cœur se mit à battre violemment. Et je cessai de siffler. Comme c'était calme ici, et comme la vague clapotait singulièrement. Je m'arrêtai. Les coups de lumière de créage balayaient la lande, et au-dessus de la gorge de Poupon ondulait un fantôme, haut comme une maison. C'était la brume qui montait de la gorge. J'attendis le retour du cône de lumière. Le fantôme géant était toujours là dans la nuit et me faisait signe avec ses bras blancs. Une sensation de vertige m'envahit. Là, le rocher descendait à pic comme une tour dans le néant blanc. Je voudrais bien que quelqu'un me dise pourquoi, à ce moment précis, à cet endroit précis, je suspendis mon pas. Et pourquoi précisément alors la pensée me traversa la tête que là, le rocher descendait à pic comme une tour. Poupou l'aspira l'air et jeta un jappement bref. Y avait-il quelqu'un dans la lande? Tranquille, Poupoule. La lumière de créage revint et illumina le sentier. Personne. Seule, une meule de varech se trouvait au bord du chemin. À ce moment, Poupoule se mit à aboyer furieusement. Ses yeux me regardaient avec un chatoiement vert. J'eus un petit rire silencieux à part moi. Peut-être que Yann était dans le voisinage. « Yann, Yann » criai-je. « Es-tu là ?» Et j'éclatai de rire pour bien lui faire voir que je n'avais pas peur, au cas où il serait là. Mais j'avais le dos glacé, comme si mon paletot s'était décousu par derrière. Je marchai vers le tas de varech au bord du chemin. Oui, Yann était là, debout. Vraiment, il était là. « Bonsoir, Yann, » dis-je. « Que fais-tu là, si tard dans la nuit, mon fils ?» Yann ne répondit rien. Maintenant, Poupou l'avait reconnu et rampait à ses pieds en battant de la queue. Mais Yann ne faisait pas un mouvement. Il était là, il me regardait. C'étaient les yeux de Yann, et pourtant ils étaient comme étrangers. Ils brûlaient sombrement de stupide fureur et d'orgueil paysan. Il ne bougeait pas, il ne disait rien. Il était là, il me regardait, et ses petits yeux devenaient de plus en plus grands. À ce moment, Yann me parut ridicule au suprême degré. S'il était là pour me guetter, pourquoi ne bougeait-il pas? Devais-je disparaître dans la gorge de Poupon sans laisser une trace sur le gazon? Yann, Yann, avance donc, montre qui tu es. Tu ne mourras pas pour rien, c'est sûr, mais peut-être à bon marché. Oh, oh, comme il était ridicule! Voulais-tu allumer ta pipe, Yann? Dis-je, en lui riant au nez. Son sot orgueil et l'imbécile fixité de son regard me mirent en colère. Était-ce une manière d'agir envers moi? Mais Yann ne bougea pas. Ses yeux étaient maintenant comme de grands trous incandescents. « Si tu as perdu la parole, Yann, alors bonne nuit, » dis-je d'un ton moqueur pour l'exciter. « Je suivrai ce chemin chaque soir, me comprends-tu? Chaque soir, je te le jure. Et chaque soir, exactement à cette place, j'attendrai un peu. Au revoir et merci, merci. » Je m'en allais. Très lentement, je tournai le dos à Yann. J'attendis encore un peu, puis je partis, mais Yann ne bougea pas. Je riais, encore plein d'énervement et de colère. Pardieu, c'était à lui de voir comment il sortirait de cette folie où il avait jeté une petite fille et l'alcool. Ce n'était pas mon affaire. C'est un fou, Poupoule, et nous ne nous laissons pas donner d'ordre. Les tempêtes d'hiver vont se déchaîner sur l'île, et nous voulons les entendre. Il va grêler de la neige et de la glace, et nous voulons voir cela. Entends-tu, camarade? Nous voulons marcher par la lande quand elle sera gelée, et notre grand feu crépitera, et son éblouissement, nous transperçant de part en part, illuminera dans nos âmes les grandes grottes scintillantes que nous ne connaissons pas encore. Vois-tu comme nous fixons le feu avec des yeux jaunes, et autour de nous le vent hurle sa grande chanson. Yann, Yann! Le lendemain matin, je trouvai une lettre sous la porte. Prends garde à toi, disait-elle. Yann n'avait même pas déguisé son écriture, comme c'était imprudent si plus tard on trouvait cette lettre chez moi. Je la déchirai en petits morceaux et les éparpillai dans le vent, mais alors je commençai à réfléchir. Non, Yann, en voilà assez. Il faut que tu retrouves la paix. Je veux aller voir Rose Eyre et lui parler, et je veux aller te voir et implorer de toi une réconciliation. Car Yann était homme à se tuer de boisson, et nous sommes amis, malgré tout. Chapitre 34. Ceci se passait... Quand était-ce? Il y a 3 jours. Mais aujourd'hui, tout est changé. Je n'ai pas parlé à Rose Eyre, ni à Yann, et pourtant j'aurais peut-être dû le faire. Cela commença d'hier, mais je ne compris pas. Aussi, qui pouvait penser une chose pareille? Hier, je me mis en route pour aller chez Joël négocier au sujet d'un bateau qu'il m'avait engagé à acheter. Je passais devant la cabane de Jean-Marie. « Dois-je entrer ? » pensais-je. « Pourquoi ? Tu as bien le temps. » Et je n'entrai pas. « Alors vous voilà au sujet de la belle femme, » fit le rubicon Joël. Et comme à l'ordinaire, il me présenta son concert de petits verres. « Hé, Françoise, Antoinette, il faut donner à manger à Poupoule. Votre chien mange dans le sac de pruneaux. Ah ah, il n'y a pas de mal. Un joli bateau, la belle femme. Alors, vous vous êtes décidée ? » ?»« Oui, je me suis décidée. » « Alors, vous voulez faire comme les autres ?»« Pourquoi pas ?»« Eh bien, vous savez que je suis marieur. Je m'engage à vous prendre tout votre poisson. »« Parfait !»« Hé, Antoinette, Maria, il faut ouvrir le hangar dans le port. » Je m'attardai un peu chez Joël. Je n'avais rien qui me pressant. Gaston le fou entra, ballottant sur ses genoux cagneux, et m'invita à prendre un verre de vin. En buvant, nous mangeâmes du fromage que j'offris, puis arriva le galopin du village. « Monsieur, fit-il, donnez-moi 1 franc, et je vous ferai une communication de la plus haute importance. »« Fiche ton camp, dis-je. Une bonne volée, si tu veux. » Le galopin ricana et s'enfuit. Nous allâmes jeter un coup d'œil à la belle femme dans le hangar. Personne n'avait de hangar à bateau sauf Joël. Sous les pilotis que l'eau laissait à découvert, les gamins pataugeaient et retournaient les pierres. Ils attrapaient par les pinces les petits crabes qui voulaient se sauver et ils tranchaient aussitôt la gorge aux jeunes anguilles qu'ils prenaient. Je tapotais la belle femme, elle était bâtie en largeur. « C'est le bateau le plus vite de l'île, » dit Joël. Yann et Kédril m'avaient déjà dit naguère que la belle femme était un excellent bateau. Elle me plut. À tribord, il fallait remplacer une ancre de l'étrave. À part cela, tout était en ordre. Après un assez long échange de paroles, nous tombâmes d'accord sur le prix. Je faisais à Joël des offres tellement inférieures à sa demande qu'il en eut presque un coup de sang. « Non, je ne vais pas te jeter mes louis d'or dans la gueule, roi de Lille. » Dans une ruelle, je rencontrai de nouveau le galopin. Il m'avait guetté. « Monsieur, murmura-t-il mystérieusement, donnez-moi donc un franc. Je vais vous faire une communication importante. » Je ris, tant il avait l'air effronté, déguenillé et sale. « Prends garde à toi, saligaud, » criai-je en levant le bras. Le galopin prit sa casquette à la main et se sauva à toutes jambes. À la maison, je m'aperçus de l'absence de Poupoule. Alors seulement l'idée me vint que je ne l'avais pas revue depuis que nous avions quitté le bar de Joël. Je sifflai et fouillai la lande du regard, mais nulle part n'émergea la rapide pelote noire. Poupoule était embordé. Il ne rentra pas de tout l'après-midi, et ce ne fut que tard dans la soirée qu'il aboya devant la porte. « Ah ah, vieux vagabond !» Poupoule revenait de ses aventures dans un état lamentable. Il boitait et saignait à plusieurs endroits à la fois. Son nez était coupé, et à la patte droite de derrière, il avait une terrible plaie béante. À son cou pendait le bout d'une corde rongée. « Oh, Poupoule, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi ? T'aurais-il attaché et tu aurais sauté à travers une fenêtre ?» Poupoule gémit et me regarda d'un air honteux. Jamais il ne lui était arrivé pareil malheur. Je lavais ses plaies, les bandais, et maintenant Poupoule était couché sur le côté gauche, les pattes étendues loin du corps, et il tremblait de tous ses membres. Le lendemain matin, il fit une tentative pour se lever, mais il retomba en gémissant. Je le portai devant la maison au soleil et posai une écuelle d'eau devant lui. « Demain ce sera guéri, Poupoule. Reste gentiment couché. Adieu. » Poupoule battit de la queue, posa la tête à plat sur le sol et se prépara patiemment à une longue attente. Au village, je parlais avec le charpentier, puis je traversai l'île pour aller à Stiff, où je travaillais toute l'après-midi chez M. Boucher. Quand je revins, le soleil était en train de se coucher. Je trouvai Poupoule devant la porte, exactement dans la même position où je l'avais laissée. « Allô, Poupoule ?» Mais il ne bougea pas. Il était couché, ses pattes bandées tendues loin de son corps, et le vent jouait dans ses poils. Je m'accroupis et quelques mouches s'envolèrent en bourdonnant. Je touchai Poupoule. Il était raide et dur. Poupoule était mort. « Tu es mort, mon chien, et je n'étais pas là. » Oui, Poupoule était mort. Je me levai et regardai la mer. Peut-être aurais-je pu le sauver si j'avais été là. Comme c'était étrange. Il était mort de ses blessures imperceptibles. Je fis quelques pas pour dissiper ma douleur, puis je revins. Je m'assis sur la pierre devant la porte et regardai Poupoule. Très haut dans l'air, le vent soufflait et se lamentait. La mer houlait comme du feu. Entre les énormes masses dérivantes de scories noires et ardentes, jaillissaient des langues de flammes claires. La mer brûlait jusqu'au fond. Un large embrasement pourpre se rapprochait en tournoyant sur la mer. Le ciel était couvert de fumée, rouge de reflets, et l'incendie d'en bas s'y mirait fantastiquement. Sur la mer en flammes passa un grand paquebot d'Extrême-Orient qui s'y fondit. Ses ponts se liquéfièrent, les mâts et les vergues tombèrent en gouttes, et sa grosse cheminée fut dévorée par le feu. Un épais nuage de fumée, d'un noir de poids, s'en éleva. J'étais assis et regardais Poupoule. Mes yeux devinrent secs dans leurs orbites. « Poupoule, mon camarade » dis-je, et je m'agenouillais et le baisais entre les yeux. Alors je fis une découverte. Il avait un mince cordon autour du cou, et mes mains devinrent toutes molles. C'était un cordon comme on en emploie pour la pêche. C'était un collet. On avait assassiné Poupoule. Je me levai frémissant de douleur et de rage. « Voilà comme vous êtes ! Voilà ce que vous êtes » criai-je en brandissant les poings contre le village. Alors je blêmis. « Yann ! Yann ! Pourquoi m'as-tu fait cela, Yann ? Parce que dernièrement Poupoule t'a trahi ? « Bandit de grand chemin, pour cela ! Yann, pourquoi ne m'as-tu pas jeté à moi le collet sur la tête ? J'aurais pu me défendre, mais celui-là » Et même Poupoule avait dû lécher la main qui lui passait le nœud coulant autour du cou. Il avait aboyé et remué la queue de plaisir, parce que quelqu'un était venu vers lui qui était si seul. J'allais au village. Où que je te trouve, Yann, je te prendrai par les épaules et je te jetterai à terre. Je te saisirai à la gorge et je te broierai le visage avec le poing jusqu'à ce que tu ne bouges plus. Prends garde, j'arrive. Est-ce que Yann est à bord ? Demandai-je, pâle et roide. Non, Yann est à terre. Où est-il ? Ils se mirent à rire. Comment pouvait-il savoir où il était ? Jean-Marie, bonsoir. Yann n'est pas chez toi ? Yann, non, mon ami. Chiquel, as-tu vu Yann ? Non. Yann, où es-tu caché ? Montre-toi. Le soir tomba. Le village s'étendait paisible avec ses rares lumières. Le cône lumineux de créage balayait l'espace et la silhouette des toits s'en détachait, tranchée et noire. Puis tout retombait dans le brouillard et la brume. Maison, lumière, et le coup de clarté volait par-dessus moi et m'éblouissait. Et de nouveau le village sombre s'étendait, paisible, avec ses lumières clignotantes. Je retournai à la villa des tempêtes. Des mouches bourdonnaient sur le cadavre de Poupoule. Je le pris sur le bras et le descendis à la mer. « Tu as toujours vécu sur la mer, Poupoule, » dis-je. Poupoule était roide, comme s'il eût été empaillé. « Adieu, mon camarade !» Poupoule s'en alla à la dérive. Il s'éloigna lentement, en flottant. Puis il arriva dans un tourbillon et disparut. Une vague accourut. Et quand son écume fut dissipée, Poupoule était de nouveau devant moi. « Allons, adieu, Poupoule, puisqu'il le faut. » Étrange. J'essayais, à trois, quatre endroits. Poupoule revenait toujours à moi. Alors je le pris de nouveau sur mon bras, tout trempé et ruisselant d'eau, et je le portais à l'autre bout de l'île. Il était lourd, et je haletais. À l'est, la mer et le ciel étaient bleu noir. À l'ouest, rouge cuivre. Un petit croissant de lune brunâtre surmontait l'île que balayait le vent. À l'endroit où les rochers tombent à pic, je jetai Poupoule à la mer. Je le vis tomber, je l'entendis. Maintenant, il ne pouvait plus revenir. Il déroula le long des rochers, puis le courant le saisit et il disparut. Je l'accompagnai dans sa course jusqu'à ce que je sois arrivé à la station de TSF. J'y entrai. « Prenez place, » dit aimablement M. Boucher. « Quel air vous avez ?»« Merci, » répliquai-je, « je reste debout. Mon chien est mort. »« Ah, votre chien est mort ?»« Oui. » Je repartis. Je m'assis sur une pierre et regardai au large, noir comme poids, sous le ciel du nord, violet foncé. La mer s'étendait effroyablement vide et déserte. Là-bas, Poupoule voyageait et les lames jouaient avec lui. Je ne rentrais que tard à la maison. Plusieurs heures, j'avais attendu Yann à la gorge de Poupon. Il n'était pas venu. Dans ma hutte, j'eus une impression de solitude. La pluie tambourinait sur le toit et dégouttait à travers les fentes, et je pensais à Poupoule. « Te rappelles-tu, mon ami, comment nous fîmes connaissance ?» C'était là-bas, à la côte. Tu me tenais solidement par la jambe avec tes dents pointues, sans me mordre. Cela m'avait plu. Te rappelles-tu comment je mis ta fidélité à l'épreuve ? En nageant, je fis semblant de me noyer. Mais tu n'as pas hésité, et tu sautas instantanément à la mer de la hauteur d'un étage pour venir à mon secours. Tip, tip, tip, la pluie gouttait et télégraphiait des mots décousus, dépourvus de sens, derrière lesquels semblait guetter une signification épouvantable. Dehors, le vent tourbillonnait. Et écoute, n'était-ce pas un chien qui aboyait dans la lande ? Je me dressais. Dehors, c'étaient des cris dans la nuit, les cris d'un désir meurtrier et le rire strident des victimes torturées. Le sang se figea dans mes veines et des parties entières de mon corps étaient comme paralysées. Non, je ne me sentais pas à l'aise ici. Je sortis et me couchai sous un rocher pour dormir. Chapitre 35. Vinrent quelques jours lamentables. Le vent soufflait sans arrêt. Il sortait d'un trou entre les nuages au nord-ouest et filait, glacé, juste au ras du sol. Je ne me plaisais pas à la maison. Je rôdais par le village. Je télégraphiais à M. Boucher. J'étais partout. Je n'arrivais pas à digérer cette turpitude sans nom. Yann était pourtant au fond de son cœur un bon garçon, je le savais. Comment donc avait-il pu faire cela ? Parle, Yann ! Mais en définitive, qu'est-ce que c'était qu'un chien pour lui, avec sa rudesse naïve ? Le vent soufflait, froid et hurlant, et l'île n'était rien qu'un tas de décombres, désert et sans âme, sur lequel la mer frappait de tous les côtés, avec des haches et des pics pour en débarrasser sa route. Je frissonnais. Je regardais le large, la mer me faisait signe, elle m'attirait, j'en perdais presque la respiration. Que veux-tu ? Que veux-tu de moi ? Loin là-bas, un trois-mâts passa avec de lourdes voiles humides. Je le suivis des yeux. Le soleil de l'équateur versera sur eux sa brûlure, et en dormant, leurs cheveux colleront au goudron du pont. La nuit tropicale tombera, et ils pataugeront jusqu'aux genoux dans l'eau tiède. Ils resteront en panne dans le calme plat, et mille fois par jour, leurs yeux fouilleront l'horizon. Ils tourneront en cercle en chantant, et hisseront la voile, et fuiront devant la tempête. Ils prendront l'albatros à la ligne, et le grand oiseau gauche se tiendra sur le pont désemparé, devant tous ces bruns visages rieurs. Je me levai. Soudain, là-bas, le trois-mâts fut en flammes, mais en réalité, ce n'était pas lui qui brûlait. C'était mon cœur qui s'était soudainement allumé et qui avait lancé du feu dans mes yeux. Je perçus une douleur, comme si ma poitrine se déchirait en deux morceaux. Sais-tu ce que c'est ? C'était la nostalgie des lointains, là-bas. Partons. Allons dans les forêts qui n'ont pas de fin et qui murmurent. Allons dans les champs de neige du nord où il n'y a pas de soleil. Peu importe, en enfer si tu veux, mais allons vers des choses nouvelles. Et je poussai un cri qui retentit au loin, sur la mer. Écoutez, Joël, je voudrais résilier l'achat de la belle femme. Vous ne voulez pas prendre la belle femme ? Non, je pars. Vous partez ? Oui, je suis tout prêt à vous payer une indemnité. Oh, je n'ai pas tellement besoin d'argent, hein. Si vous voulez partir, que feriez-vous de la belle femme, n'est-ce pas ? Mais je ne partis pas du jour au lendemain. Yann ne devait pas se figurer que je quittais l'île par crainte de lui. Oh non, nous avions maintes dettes réciproques, et j'aime les comptes clairs. 4 nuits durant, je demeurai accroupi au bord de la gorge de Poupon, et j'attendis Yann. Je restai là à frissonner, le vent tourbillonnait, les éclairs de créage volaient par-dessus moi. Je fumai ma pipe en tenant ma main dessus pour que le vent n'arrache pas le tabac du fourneau, et puis cela me chauffait. « Ne t'ai-je pas juré que je serai ici chaque soir, Yann ? Où restes-tu tout ce temps-là ? Approche, Yann, me voilà !» Les heures passaient. « Oh, oh, oh, oh, oh !» hurlait le vent, et une voix s'envolait en l'air. « Hi, hi !» Par moments, une fente entre les rochers cornait. Là-bas, au large, un paquebot passait. Il avait l'air d'un château de fées, avec toutes ses lumières. J'étais là, et j'attendais. Mais aussitôt que quelque chose grattait et raclait dans la lande, les poils se dressaient dans mes pores, des voix menaçantes étaient dans le vent, et je les épiais, en retenant mon souffle. Tout à coup, un effroyable fantôme blanc arriva sur moi au galop. Je jure qu'à ce moment, je me gonflais comme un porc-épic, et transperçais de mes regards le fantôme blanc. C'était un morceau de papier, il ne me fit pas d'autre mal. Par moments, sous moi, résonnaient des chocs et des échos. La gorge dégageait une odeur de vieux puits, décrépit et croupissant, et en bas c'était des claquements et des raclements, comme si un corps pesant et mouillé se traînait d'un côté à l'autre. Une haleine froide montait jusqu'à moi. Il était là. C'était Poupon, l'assassin. Il me tirait les pieds, fourrait le doigt dans le trou de mon soulier droit et soufflait bruyamment, puis il se laissait de nouveau glisser en bas, avec un claquement mou. Je tombais d'émotion en émotion, et ma peau se couvrait comme des cailles de poisson, et pourtant je restais tranquillement assis. Je ne bougerais pas non plus tout d'abord, si Yann venait. Je serais sourd et muet. Il trouverait ici devant lui un fumeur de pipe sourd-muet, plongé dans ses méditations philosophiques sur la gorge de Poupon. Il fallait offrir à Yann l'occasion d'encaisser son dû. Mais après, oh après, ce serait mon tour. Par moments, je tirais ma petite flûte de ma poche et je sifflais un air ou un trille. Yann, n'entends-tu pas, Yann ? Une fois même, je m'endormis, mais je fus réveillé par un coup de canon et je sursautai. Ma pipe était tombée dans la gorge. Bah, je ne suis pas homme à n'avoir qu'une pipe. J'ai des pipes dans toutes mes poches. Ainsi donc, j'allumai une autre pipe. Yann ? J'attendais toujours 4-5 heures. Si cela suffit à sauver mon honneur, je n'en sais rien. Pour moi, c'était suffisant. Mais Yann ne vint pas. Chapitre 36. Adieu, Quédril, pilote numéro 1. Où est Jean-Marie ? Adieu, tous, adieu. Les pêcheurs m'entouraient et frottaient sur mon visage leurs joues broussailleuses. Nous nous embrassâmes. « Dire que tu t'en vas loin de nous » disaient-ils en secouant la tête. Leurs mains étaient dures comme du bois, mais leurs yeux étaient fidèles et cordiaux. Quédril ne se laissa pas arracher le privilège de me conduire à la rame, au commissionnaire. Je lui fis cadeau d'une pipe, comme souvenir. Les matelots montèrent l'ancre. Alors, du travailleur, un canot arriva, et Yann monta à bord du commissionnaire. J'étais debout à l'arrière, et je le vis approcher. Je sentis le sang abandonner mon visage, mes mains se crispèrent dans les manches de mon manteau. Il me sembla que je grandissais peu à peu, mais quand Yann me regarda, je me sentis envahi d'une lassitude brûlante. Car les yeux bleus de Yann, ses yeux d'enfant, étincelaient positivement d'amour. C'étaient les anciens yeux de Yann, tels qu'ils étaient autrefois, et ils me désarmèrent instantanément. Yann s'avança vers moi. Il avait l'air sale, il portait au front une horrible éraflure saignante, et le blanc de ses yeux était encore injecté de sang. « Tu pars ? » dit-il en souriant. Et du regard, il indiqua le petit paquet que j'avais sous le bras. Je ne répondis rien, je le regardais. Yann attendit un moment et me plongea dans les yeux un regard scrutateur, puis il reprit. « Tu penses peut-être que c'est moi qui ai tué Poupoule ? Non, ce n'est pas moi. C'est Rose R. qui l'a fait. » J'ouvris la bouche. « Rose R. ?»« Oui, je lui ai dit. Poupoule m'a trahi. Il a aboyé. » Là-dessus, elle dit « Alors c'est son chien qui t'a trahi. » Elle n'en dit pas davantage, mais 2 jours plus tard, elle me dit « Maintenant, Poupoule ne peut plus te trahir, Yann. » Je regardais Yann et un sourire de mépris passa sur mes lèvres. C'était de moi que je souriais. « C'est une enfant, cette Rose R. » « Oh, parfaitement. Mesdames et messieurs, vous voyez ici devant vous un connaisseur d'hommes de premier ordre. Je vais entreprendre une tournée et me faire voir pour de l'argent, avec un anneau dans le nez et un pieu dans la boîte crânienne. » Mais à Yann, je dis, avec un regard plein de reproches, « Yann, j'ai attendu chaque nuit près de la gorge de Poupon. Pourquoi n'es-tu pas venu ?» Yann me regarda avec étonnement. « Il n'y avait pas de bateau pour la côte, » répondit-il. « Comment aurais-tu pu partir ?» J'éclatai de rire. C'était de moi que je riais. Ainsi, c'était sans aucun motif que mes cheveux s'étaient dressés. Jamais l'idée n'était venue à Yann de me faire une visite. Assez. Partons. Les derniers jours ont été un enfer, continua Yann. Et ses yeux injectés étincelèrent et les veines de son cou se gonflèrent. Cette fille me rendait fou. Entends-tu ? Enragée. Je crois qu'elle est possédée et qu'elle m'a ensorcelée. Voilà ce que je crois. L'autre fois, dans la nuit, je n'ai pas pu le faire. Tu as sifflé et tu t'en allais si confiant. C'est pour cela. Maintenant, tu pars, c'est bien. Je ne savais plus ce que je devais faire. Et nous sommes pourtant amis, hein. Même si elle a été à toi, qu'est-ce que ça fait ? Adieu, mon très cher ami. Yann me tendit la main et ses yeux prirent un éclat humide. Je saisis sa main. Et nous nous regardâmes longtemps dans les yeux. Nous nous étions tourmentés l'un l'autre tout bonnement, comme c'est le lot des hommes dès qu'ils s'approchent. Alors Yann mit la main à sa poche et en tira la montre en or avec le couvercle à ressort. « Il faudra que tu y fasses mettre un verre, » dit-il. « Prends donc, prends-la donc. » Je souris. Non, jamais je ne comprendrai ces gens. Mais je ne pris pas la montre. Je ne veux rien posséder qui vaille plus de 10 francs, comprends-tu, Yann ? Dis-je. Autre chose, peut-être. Yann chercha dans ses poches et me donna son couteau à virole. Oui, je puis en avoir besoin, merci. Je fouillai dans mon paletot et tirai la petite flûte. Je la donnai à Yann. Merci, dit-il. Combien de belles heures. Allons, adieu. Ne m'oublie pas. Je secouai la tête et serrai encore une fois la main de Yann. La voile monta, le commissionnaire galopait par la baie, nous avions plus de vent qu'il n'était nécessaire. Autour du chameau jouaient de petits canards noirs, ils plongeaient et faisaient la culbute. Les mouettes étaient posées sur les rochers et leurs têtes éblouissaient, blanches comme des boutons frais enduits de peinture. Sur les récifs, la mer suçait et respirait. Nous traversâmes le courant et le commissionnaire vira de bord. Alors nous passâmes auprès de la chaîne de rochers cachés où j'avais si souvent pêché avec le roi de la mer. La mer tonnait et les voiles d'écume s'éparpillaient en l'air. Alors je vis une petite voile bien connue qui oscillait dans la forte houle. Elle venait vers nous. Jean-Marie ! Mais ce n'était pas le petit roi de la mer qui était assis dans le bateau. Une coiffe blanche émergeait sous la voile. « Roseère ! Oh ! Oh ! » crièrent les matelots. Le bateau passa tout contre nous. Roseère était assise à la barre, le dos courbé, les yeux attachés sur sa route, son front bas froncé en 100 petits plis. Elle ne leva pas les yeux. Une lame souleva le bateau et l'emporta. En un clin d'œil, la petite voile oscillante avait disparu à nos regards. « Ce démon, voyez donc !» crièrent les matelots en riant. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu venu en mer ?» Comme une haute forteresse violette, avec deux tours minces, l'île s'étend sur la mer. Des mouettes tournoient autour de nous, et des rochers lointains nous parviennent des cris ténus comme un bruit de lime. La haute forteresse devient bleue et s'enfonce dans la mer. Maintenant, on ne peut plus rien voir. Seule ta grosse tête de créache nage à l'horizon. Alors je perçus un choc au cœur. Yvonne, Dieu m'assiste, je n'avais plus pensé à elle tous ces jours-ci. Je l'avais complètement oubliée. L'homme est un être singulier. Bah, Yvonne aura tout fait de trouver un autre amoureux. Là-bas, à la côte, je rencontrai Mathieu, l'honneur, et Petit Jean. Dieu merci, ils étaient là. Je crois que les larmes me vinrent aux yeux en les voyant. Me voilà. Ah, te voilà. Nous ribotâmes jusque fort avant, dans la nuit. Puis nous prîmes congé. Ah, qu'est-ce que c'est ? La mer était noire, et noir était le ciel. Mais à l'horizon palpitait un feu à éclats. Blanc, blanc, rouge. Et un moulin de lumière jetait ses ailes en l'air. C'était Stiff et Créache. Adieu, camarades. Et quand vous retournerez à Usa, saluez pour moi Amoric et sa fille, Yann et Jean-Marie. Et n'oubliez pas de saluer Roseère, de ma part. Saluez-les tous, tous. Deux jours plus tard, à Cherbourg, je mettais le pied sur le grand vapeur de 20 000 tonnes. La sirène cornait, l'orchestre jouait sur le pont-promenade. En route, j'étais dans un lamentable état moral. Pour débuter, j'avais eu le malheur d'offenser le premier steward par ma voix. « Non mais, croyez-vous, très honoré monsieur, que je commence par gober 3 œufs crus avant d'oser m'approcher d'une si haute personnalité ?» J'observais mon homme. Comment devais-je m'y prendre pour demander une cabine convenable à cet attaché d'ambassade ? Il était là, devant moi, bien léché par la langue de la civilisation. Il m'apparaissait comme terriblement connu. Je bertillonnais son crâne. Oui, je l'avais déjà vu, 1000 fois et partout. C'est le visage européen, rien d'autre. Je ne prononçai pas une parole de plus. Je pris une pièce de 5 francs et la glissai dans sa main européenne. Il comprit instantanément et s'inclina. Monsieur peut à son gré profaner de sa voix le repos sacré de cet élégant manège à vapeur. Dans la cabine, je tâtais des doigts le tapis et j'examinai aussi à la dérobée la garniture de l'escalier. Du caoutchouc. Yann, où sommes-nous ? Fers à friser électriques, chauffage à la vapeur, boutique de fleuriste, imprimerie, hôtel à la Ritz. J'avais sauté directement de la périphérie de la civilisation dans son centre bouillonnant. Le vapeur était silencieux comme une église. Par-ci, par-là seulement, on entendait une effroyable toux de taureau. C'était moi. Je montai sur le pont-promenade et je souris avec mépris. Leur plus petit bateau de sauvetage était plus grand que le plus grand bateau que nous avions dans l'île. Le vent soufflait, nord-ouest-nord, force du vent 8. Grosse mer. Mais le colosse ne bougeait pas. Il faisait 18 nœuds à l'heure, et pourtant il avait l'air de rester parfaitement tranquille. Seuls les étroits corridors marchaient. La mer était loin en dessous, insignifiante et nulle. Nous étions des transitaires, rien de plus. Le soir vint et les feux de la Manche palpitèrent et tournoyèrent. Une misérable barque de pêcheurs passa près de nous. Elle roulait, ruait et montait. « Allô ! » criai-je en agitant ma casquette. Mais ils ne firent pas la moindre attention à moi. Et alors cette notion me pénétra, cette notion nue, effroyable. Je n'appartenais plus à leur monde. Les lames, le vent, toute la grande mer, je n'appartenais plus à ce monde. J'allai au fumoir, je m'étendis dans un fauteuil de club, et je pris un whisky et encore un, puis j'achetai toute la bouteille. Nos deux astres brûlaient maintenant sur l'île noire, dans la mer bruyante. Pourquoi, pourquoi es-tu venu en mer? Alors, je prêtai l'oreille, entends-tu pomper les machines? À travers toute la vibration, à travers tous les étages et les corridors, entends-tu battre le grand cœur d'acier? C'était le cœur de l'Europe d'où je venais, et soudain la force tranquille des machines qui chantaient sous moi me submergea et me remplit d'énergie et d'une confiance démesurée. Je remplis mon verre et me fredonnai une chanson. « Sois tranquille, mon cœur, dis-je à mon cœur. Les terrains de chasse de la vie sont vastes. Tu les retrouveras tous, Yann, Yvonne, Rose Heure et Jean-Marie, tous, et tu retrouveras aussi Poupoule. Rien n'est irremplaçable. » Mais dans la nuit, je m'éveillai brusquement. Le vapeur craquait comme craque le cuir qu'on ploie. Je prêtai l'oreille. Dehors, c'était le vent, la mer. Dehors, il y avait des voix, et je les comprenais. Mon cœur se contracta. « Adieu, mes amours, » dis-je, l'oreille tendue aux voix. « Adieu, je reviendrai. » Ici se termine « La mer » de Bernard Kellermann. Enregistré par Christiane Johanne.